الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Toujours dans l'explication, la traduction du livre Tassir al-Allam, شرح عمدة الأحكام. La semaine dernière, on avait expliqué les hadiths 61, 62 et 63 de عمدة الأحكام, qui se propose pour nous réciter le 61e hadith, qui est le plus court. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. كي se propose il lève sa main. جواد تفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. بني عن أنس بن مالك. بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلالا أن يشفع. أمر بلال أن يشفع الأذان. ويوتر الإقامة. ويوتر الإقامة. رواه البخاري ومحسن ومسلم. أحسن بارك الله فيك. Le 62e حديث qui se propose, le حديث d'Abi Juhayfa. حمد. تفضل. استعن بالله. نعم. وهو في قبة له من أدم. قال فخرج بلال بوضوء من ناضحين. فمن ناضحين. فمن ناضح ونائل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. طيب من يواصل؟ كي كونتينيو. عليه حلة حمراء. العزيز تفضل. وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. نعم. قال فتوضأ وأذن بلال. فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا. أتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. أحسنت بارك الله فيك. Et le 63e hadith, le hadith d'Abdullah ibn Omar, il est court. Hassan. Abdullah ibn Omar, an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, annahu qad, inna bilalan yu'adhinu bilaylin, فقولوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فقولوا حتى واشربوا. فقولوا واشربوا حتى يؤذن. حتى يؤذن ابن أم مكتوم. حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أحسنت بارك الله فيك. يقول المؤلف رحمه الله الحديث 64. Le 64e hadith. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. رواه البخاري ومسلم. Et selon Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, lorsque vous entendez le muezzin, dites comme ce qu'il dit. Hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim. المعنى الإجمالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن للصلاة فأجيبوه بأن تقولوا مثل ما يقول، فحينما يكبر فكبروا بعده، وحينما يأتي بالشهادتين فأتوا بهما بعده، فإنه يحصل لكم من الثواب ما فاتكم من ثواب التأذين الذي حازه المؤذن، والله واسع العطاء مجيب الدعاء. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque vous entendez le muadhin appelé à la prière, répondez-lui. Répondez-lui, c'est-à-dire en disant ce qu'il dit. Lorsqu'il dit le takbir, dites le takbir après lui. Et lorsqu'il fait les deux shahada, faites-les après lui. Car vous aurez la récompense qui vous a échappé parmi la récompense de l'adhan qu'a pris entièrement le mu'adhin. Car Allah est immense dans la donation et il répond aux invocations subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré de répéter après le mu'adhin pour avoir une part de la récompense de l'adhan. Car combien de personnes font l'adhan? Une seule. C'est pour ça que le Prophète a dit, si l'on savait ce qu'il y avait dans l'adhan comme récompense, eh bien, on arriverait à tirer au sort. On utiliserait le tirage au sort pour nous départager sur lequel d'entre nous va faire l'adhan, tellement la récompense est grande. Ainsi, le Prophète a légiféré de répéter afin que le musulman ne soit pas privé totalement de cette récompense que prend le muadhin. ما يؤخذ من الحديث من الأحكام أولا مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول وذلك بإجماع العلماء. Ce que l'on retient du hadith, premièrement qu'il est légiféré de répondre au muadhin en disant ce qu'il dit, et ceci à l'unanimité des savants. Ceci fait partie de Masail al-Ijma', c'est partie d'un sujet qui fait l'unanimité des savants de l'islam. ثانيا أن تكون الإجابة إجابة المجيب بعد انتهاء المؤذن من الجملة لقوله فقولوا لأن الفاء للترتيب وقد صرح بذلك في بعض الأحاديث منها ما رواه النسائي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حين يسكت. رواه ابن خزيمة في صحيحه والنسائي في الكبرى كما قلنا من حديث أم سلمة. Deuxièmement, que la réponse de celui qui répond après le muadhin doit se faire lorsqu'il termine chaque phrase. Et la preuve est la parole du prophète sallam: alors dites, faqulu, et le fa ici est un fa dont on déduit la succession et l'ordre, à savoir que l'on doit dire lorsque le muadhin a dit, c'est-à-dire lorsqu'il a terminé de dire. Ainsi, l'on doit répéter chacune des phrases qu'il a prononcées lorsqu'il termine celle-ci. Et cela a été rapporté dans certains hadiths, parmi ces hadiths, le hadith de Umm Salama, radiyallahu anha, rapporté par al-Nasa'i dans ses sunan, dans lequel elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait comme disait le muadhin au moment où il se taisait. Qui se taisait? Le muadhin. Thalithan, an yujib al muadhin fi kulli ahwalihi in lam yakun fi khala'in aw ala hajatihi, لأن كل ذكر له سبب لا ينبغي إهماله حتى لا يفوت بفوات سببه. Troisièmement, que la réponse au muadhin que l'on fait, et lorsque l'on dit la réponse au muadhin, ça signifie de répéter ce qu'il dit, doit se faire dans toutes les situations sauf lorsque la personne est aux toilettes ou lorsqu'elle fait ses besoins. C'est quoi la différence entre les toilettes et lorsqu'elle fait les besoins? Non, car les besoins ne se font pas forcément dans les toilettes. Pourquoi est-ce que cela est fortement recommandé? Car tout rappel qu'il y a une cause ne doit pas être négligé de peur que lorsque la cause parte, eh bien la récompense parte aussi. Autrement dit, il y a en islam des rappels qui ont une cause et des rappels qui n'ont pas de cause. Par exemple, parmi les rappels qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Est-ce qu'il y a une cause? Non. Tu peux la dire quand tu veux, autant de fois que tu veux. Mais il y a des rappels qui sont dits et qui sont liés à une cause, comme le fait de répéter ce que le muazzin dit. Ce que le muazzin dit, tu le répètes que lorsqu'il fait son adhan, lorsqu'il dit sa phrase et qu'il la termine. Ainsi, il ne faut pas négliger ce genre de rappel, car si tu le négliges, eh bien, yani c'est un rappel qui a des causes, donc qui ne se répète pas souvent comme les autres. Et autrement dit, aussi, ce que l'on comprend, c'est que lorsque le muazzin a terminé l'adhan, et que tu arrives, par exemple, 5 minutes après, est-ce que tu vas répéter ce qu'il a dit? Non. C'est un rappel qui se fait au moment où le muazzin fait l'adhan. Lorsque l'adhan est terminé, il n'y a plus de rappel à ce niveau-là. Rabi'an, zahirul hadith. أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جمل الأذان والذي عند جمهور العلماء أن المجيب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح كما ورد في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنه ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولأن الحي على لا تناسب السامع وإنما الذي يناسبه الحوقلة فحينما دعاهم المؤذن أجابوه بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله أي بمعونته وتأييده يكون مجيئنا للصلاة وقيامنا بها فائدة روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث روى البخاري في صحيحه. Quatrièmement, ce que l'on retient du hadith. L'on retient du hadith, ou de ce qui apparaît du hadith, que celui qui écoute ou qui répond au muadhin doit dire ce que le muadhin dit dans toutes ses phrases. C'est ce que l'on comprend du sens général du hadith. Lorsque vous entendez le muadhin, dites ce qu'il dit. On peut comprendre, c'est dites ce qu'il dit dans toutes ses phrases. والذي عند جمهور العلماء et ce que est l'avis de la plupart des savants est que celui qui répond au muadhin doit dire la hawla wa la quwwata illa billah lorsque le muadhin dit hayya 'ala as-salah et lorsqu'il dit hayya 'ala al-falah. Autrement dit, il dit combien de fois la hawla wa la quwwata illa billah? 4 fois. 2 fois après hayya 'ala as-salah et 2 fois après hayya 'ala al-falah. Comme cela est rapporté dans l'autre hadith, le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, rapporté par Muslim dans son Sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis lorsqu'il dit hayya 'ala as-salah, dit la hawla wa la quwwata illa billah, puis lorsqu'il dit hayya 'ala al-falah, dit la hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est la première raison, c'est que le hadith est rapporté à ce sujet dans le Sahih de l'imam Muslim. Et la deuxième raison qui justifie cela est que al-hayy 'ala, le fait de dire hayya 'ala as-salah ou hayya 'ala al-falah ne correspond pas à celui qui entend. C'est-à-dire que le muadhin dit hayya 'ala as-salah. Il s'adresse aux gens en leur disant venez à la prière, venez à la réussite. Le fait que celui qui répond de mon azzin, qui est celui qui entend cet appel, dise venez au rappel, venez à la prière et venez à la réussite, n'est pas ce qui lui correspond le mieux. Mais ça se dit ? Non, ça ne se dit pas. C'est, selon certains savants, l'avis de la plupart des savants, c'est que ça ne se dit pas, mais d'autres savants considèrent qu'il est autorisé en se basant sur le hadith. Mais le cheikh justifie, argumente pourquoi est-ce que c'est le deuxième avis qui est le plus fort, à savoir que celui qui répond à Mu'adhin dit « La hawla wa la quwata illa billah ». La première, c'est que le hadith est rapporté dans le Sahih Muslim selon Omar ibn al-Khattab. Et la deuxième, c'est que celui qui répond, ce qui lui correspond le mieux, c'est Al-Hawqala et non pas Al-Hay'ala. Al-Hawqala qui veut dire La hawla wa la quwata illa billah. Il n'y a de force qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui correspond le mieux à celui qui répond au Mu'adhin, car cela signifie, c'est-à-dire par l'aide d'Allah et par son soutien, nous répondons, nous venons à la prière et nous l'accomplissons. Donc il répond au Mu'adhin en disant La hawla wa la quwata illa billah. Effectivement, c'est par la force d'Allah et par l'aide d'Allah que je vais répondre à cet appel et que je vais accomplir ma prière. Puis le cheikh fait une remarque en citant le hadith qui montre les mérites de celui qui répète ce que le Mu'adhin dit et qui répond au Mu'adhin. C'est le hadith de Jabir ibn Abdillah, en lequel le professeur Hassan a dit, celui qui dit lorsqu'il entend l'adhan, après avoir entendu l'adhan, « Oh Allah, le Seigneur de cette invocation complète et cette prière accomplie, donne à Muhammad al-wasilata wal-fadila » et on avait dit que l'wasila c'était al-maqam, al-mahmoud, c'est la place privilégiée qu'aura le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. « Wab'athu maqaman mahmoudan ladhi wa'adta » al-wasila, non, al-wasila c'est autre chose. Al-wasila c'est un degré au paradis que seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura. Al-wasila, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, darajatun fil jannah arju an akuna analaha, ou comme a qala sallallahu alayhi wa sallam. Donc al-wasila c'est une place élevée au paradis qui sera propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui le faire ressusciter en lui accordant al-maqam al-mahmoud, qui est la place privilégiée qu'aura le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement et la grande intercession qui lui sera accordée. حلت له شفاعتي يوم القيامة. Celui qui dit cette invocation après avoir écouté l'adhan, eh bien, il bénéficiera de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. ثم قال المؤلف باب استقبال القبلة. Le chapitre de se diriger vers la Qibla. Certains ont dit non, que le professeur Hassan n'a pas fait l'adhan, car si le professeur Hassan avait fait l'adhan et que des personnes n'auraient pas répondu, il sortirait de l'islam. Parce que un mu'adhin qui dit Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, ce n'est pas comme le professeur Hassan qui dit Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Si le professeur Hassan ordonne quelque chose, on doit lui obéir et il n'appartient pas aux musulmans d'avoir encore le choix. C'est là que les certains savants ont dit que c'est la sagesse pourquoi le professeur Hassan ne faisait pas l'adhan. Wallahu a'lam. Qiblatul muslimin hiya al-ka'batul musharrafah allati hiya unwanu tawhidihim wa wahdatihim wa muttajibu anzarihim وملتقى قلوبهم وأرواحهم وقد جعل الله هذه الكعبة قياما للناس قياما للناس في أحوال دينهم ودنياهم وأمنا لهم عند الشدائد يجدون في ظلها الطمأنينة والأمن والإيمان وبقاؤها تحج وتزار هو علامة بقاء الدين وقيامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا على المشهور، فلما هاجر إلى المدينة وفيها اليهود اقتصر على استقبال بيت المقدس 16 شهرا، وكان يتشوق إلى استقبال القبلة أشرف بقعة على الأرض وأثر أبي الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام. فصرفت القبلة إلى الكعبة في السنة الثانية للهجرة. واستقبال القبلة في الصلاة ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، وهو شرط للصلاة لا تصح بدونه إلا عند العجز أو للنافلة على الدابة، كما سيأتي في هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى. نعم. في الإقامة. نعم. يعني ما يدخل الإقامة؟ كان يقيم الصلاة. الله أعلم. لا أدري. Donc la qibla des musulmans. La qibla des musulmans qui est la Kaaba sacrée, qui est l'emblème du tawhid, qui est l'emblème du tawhid des musulmans et de leur unité. Et c'est également la direction vers laquelle ils se dirigent. Et c'est à cet endroit que se retrouvent leur cœur et leurs âmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette Kaaba pour les gens un lieu de rassemblement dans l'ensemble des situations de leur religion et de leur vie d'ici-bas. Car la Kaaba était, ou la Mecque était, l'endroit d'une où les gens faisaient leur pèlerinage, et de deux, c'était aussi l'endroit où ils se rencontraient pour commercer. وَأَمْنًا لَهُمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ. Et c'est également un lieu sûr lors des situations critiques. Car c'est un lieu sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un lieu dans lequel il est interdit de combattre et de faire la guerre. Et comme on l'a vu dans des cours précédents, qu'il est interdit de porter des armes à la Mecque. Tout ceci pour préserver son caractère sécuritaire. Il trouve à l'ombre de celle-ci la quiétude, la sécurité et la foi. Et le fait que cette Kaaba reste et que les gens se dirigent là-bas pour accomplir leur pèlerinage et pour la visiter, autrement dit pour faire la Umrah, ceci est un signe de que la religion est présente et qu'elle est existante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la hijra, avant l'immigration de la Mecque vers Médine, lorsqu'il priait, il se dirigeait vers la Kaaba et vers Bayt al-Maqdis, les deux, selon l'avis le plus sûr des savants. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré à Médine, et qu'à Médine il y avait le peuple juif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de prier en direction de Jérusalem uniquement, et ceci pendant 16 mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envie de prier vers la Kaaba, vers ce meilleur endroit sur terre, vers la trace de son père, du père des prophètes et du guide de ceux qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir Ibrahim, l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala wa alayhi salam. Et effectivement, la qibla a été tournée, la direction lors de la prière a été détournée de Jérusalem vers la Kaaba à la Mecque, et ceci la deuxième année de la Hijra. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, la deuxième année, c'est en cette année que le verset où Allah azza wa jalla ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de tourner son visage vers Al-Kaaba. Et le fait de se diriger vers la Qibla, et la Qibla c'est la direction de la Kaaba, le fait de se diriger vers la Qibla pendant la prière est une chose qui est rapportée dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'unanimité des savants. Et c'est une des conditions de la prière. La prière ne peut être valide sans celle-ci, sauf pour celui qui n'a pas la possibilité de se diriger vers elle, ou celui qui accomplit une prière surérogatoire sur une monture, comme cela va être expliqué dans les hadiths prochains, incha'Allah ta'ala. Al-hadith al-khamis wa sittun, le 65e hadith. An Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله رواه البخاري واللفظ له ومسلم وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة رواه مسلم وللبخاري إلا الفرائض رواه البخاري. Selon Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le tasbih sur le dos de sa monture, quel que soit l'endroit où il se dirigeait. Quel que soit l'endroit où elle se dirigeait, c'est-à-dire sa monture. Yumi bira'seh. Il faisait des signes de sa tête où il abaissait sa tête. Et Abdullah ibn Umar faisait de même. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et dans le Sahih de Muslim, une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait al-witr sur sa monture. Et dans une version de Muslim, sauf qu'il ne priait pas dessus, c'est-à-dire sur sa monture, la prière obligatoire. Al-Maktouba, la prière prescrite. Et dans une version de Al-Bukhari, sauf les obligatoires, c'est-à-dire les prières obligatoires. Gharib al-Hadith. Awalan yusabbihu ala zahri rahilatih. At-tasbihu huna yuradu bihi salatun nafila min tasmiyatil kulli bismil ba'd. Wa qad khussatin nafilatu bismil tasbih. Qala ibn Hajar, wa thalika urfun shar'i. Premièrement, les termes qui méritent explication dans le hadith, il faisait le tasbih sur le dos de sa monture. Le tasbih ici, ce qui est voulu, c'est la prière surérogatoire. Elle a été appelée ainsi pour appeler l'ensemble, le nom, en appelant l'ensemble le nom d'une partie. À savoir que dans une prière, est-ce qu'il y a du tasbih ou pas? Oui, quand? Pendant le recours, pendant le sujoud. Et le tasbih, la prière surrogatoire, est appelée tasbih pour appeler l'ensemble, c'est-à-dire la prière surrogatoire, par le nom d'une de ses parties qui est le tasbih. Et ceci est une chose qui caractérise uniquement la prière surérogatoire. Au point que Al-Hafidh ibn Hajar a dit que c'est un urf shar'i, c'est-à-dire que la prière surérogatoire est appelée al-tasbih. Et lorsque l'on parle de tasbih, en faisant allusion à une prière, cela ne peut vouloir dire que la prière surérogatoire, et c'est une chose connue de tous les savants. ثانيا المكتوبة يعني الصلوات الخمس المفروضات la les prescrites c'est-à-dire la les prières les cinq prières obligatoires ثالثا الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل et la monture c'est ou الراحلة c'est la chamelle qui peut voyager et qui peut se déplacer et voyager d'un endroit à un autre. المعنى الإجمالي الغالب في الشريعة أن صلاة الفريضة وصلاة النافلة تشتركان في الأحكام وهذا هو الأصل فيهما فما ورد في إحداهم في إحداهم في إحداهما في إحداهما من حكم فهو لهما سواء ولكنه يوجد بعض الأدلة التي تخص إحداهما بحكم دون الأخرى والغالب على هذه الفروق بينهما تخفيف الأحكام في النافلة دون الفريضة. ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا، فإنه لما كان المطلوب تكثير نوافل الصلاة والاشتغال بها خفف فيها، فكان صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به، ولو لم تكن تجاه القبلة، ويومي برأسه إشارة إلى الركوع والسجود، ولا فرق بين أن تكون نفلا مطلقة أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات الأسباب. لهذا كان يصلي على الراحلة آكد النوافل وهو الوتر. أما الصلوات الخمس المكتوبات فوقوعها قليل لا يشغل المسافر فيها، ويجب الاعتناء بها وتكميلها، فلهذا لا تصح على الراحلة إلا عند الضرورة. Le sens général du hadith. Ce qui est le plus souvent rapporté dans la législation musulmane, c'est que la prière obligatoire et la prière surérogatoire sont similaires dans les jugements. C'est la base dans ces deux types de prières. Ce qui est rapporté dans une des prières, eh bien, ce jugement s'applique sur l'autre. Ce qui est rapporté dans les prières obligatoires s'applique sur les prières surérogatoires. Ceci est la base. Mais il y a certains hadiths, certains textes qui viennent spécifier un jugement à un type de prière par rapport à l'autre. Il y a des jugements qui sont propres à la prière obligatoire, qui ne s'applique pas à la prière surérogatoire et l'inverse. Et la majorité de ces différences entre ces deux types de prières, la majorité de ces différences, eh bien, lorsqu'on les étudie, on remarque que les prières surérogatoires font bénéficier de souplesse de la part de l'islam, qu'il y a des souplesses et des autorisations dans la prière surérogatoire qu'il n'y a pas dans la prière obligatoire. Et parmi ces hadiths qui prouvent cette souplesse et qui prouvent ces différences, il y a le hadith que l'on est en train d'étudier. Car lorsque ce qui est demandé aux musulmans est de faire beaucoup de prières surérogatoires. Ceci est demandé aux musulmans de faire beaucoup de prières surérogatoires. Alors la souplesse est venue les accompagner. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait les prières surérogatoires en voyage sur le dos de sa monture, quelle que soit la direction où elle se tournait, même si cette direction n'était pas celle de la Qibla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un signe de sa tête, hein, baissait sa tête en signe de recours et de sujoud. Et il n'y a aucune différence sur la prière surérogatoire, qu'elle soit une prière surérogatoire pure, c'est-à-dire qui n'a pas de cause réelle, ou qu'elle soit une ratiba. Qu'est-ce qu'une ratiba? Une prière qui est liée, une prière surérogatoire qui est liée à la prière obligatoire. Et elles sont au nombre de 12. Combien? 2 après? 2 avant le fajr, avant la prière de Subh. Ensuite, 4 avant le dhuhr, 2 après le dhuhr, 2 après le maghrib et 2 après l'isha. Ou que ce soit des prières surérogatoires qui ont une cause, comme Tahiyatul Masjid, la prière de la pluie, la prière de l'éclipse, la prière du mort, la prière après avoir accompli les ablutions. Tout ceci, tous ces types de prières surérogatoires peuvent être accomplis sur une monture et bénéficier des souplesses qui ont été citées dans ce hadith, entre autres le fait qu'il n'est pas obligatoire de se diriger vers la Qibla lorsque celle-ci est accomplie sur une monture. Et il dit, ولهذا c'est pour cela que le prophète صلى الله عليه وسلم priait sur sa monture la prière surérogatoire la plus recommandée qui est al-witr, qui est la plus recommandée, au point que les savants ont même divergé sur le jugement de l'witr, est-ce que c'est obligatoire ou surérogatoire. Quant aux cinq prières obligatoires, elles sont au nombre de cinq. Ce sont donc des prières qui ne prennent pas beaucoup de temps aux voyageurs. Il doit donc prendre soin de ces prières et les accomplir de façon complète. Ainsi, il n'est pas autorisé de prier une prière obligatoire sur une monture, sauf en cas de force majeure. Sauf en cas de force majeure. Non. Par exemple, c'est un cas de force majeure. Tu vas pas descendre pour prier. Ça va. Non. Et la Qibla ? Pareil. Tu as le même jugement. Que ce soit sur le bateau, que ce soit dans l'avion, des moyens de transport où tu ne peux pas, dont tu ne peux pas te séparer. D'accord. Si tu as un voyage de 12 heures et que pendant ces 12 heures il y a un certain nombre de prières, tu accomplis ces prières. Non, même assis si tu ne peux pas. Dans l'avion, il est possible de prier debout s'il y a de la place et s'il n'y a pas de turbulence. S'il n'y a pas de place. Non. S'il n'y a pas de place. Et pareil sur le bateau, et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, en parle dans le début de son livre Sifatu Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Il a même un chapitre, l'autorisation de prier dans un bateau. Ahkam al-Hadith. Awalan. جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة وفعل ابن عمر له أقوى من مجرد الرواية. Premièrement, ce que l'on retient du hadith, l'autorisation de prier les prières surérogatoires en voyage sur une monture. Et le fait que Abdullah ibn Umar les fait, ou que Abdullah ibn Umar le faisait, eh bien, vient renforcer cette preuve. Car Abdullah ibn Umar, c'est le rapporteur de ce hadith. Il a rapporté ce hadith, mais en plus, il le mettait en pratique. Donc cela est une preuve encore plus forte que s'il l'avait seulement rapporté. ثانياً, ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى استقبال القبلة حال ابتداء الصلاة. وذلك لحديث أنس من أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهه ركابه وظاهر الحديث العموم. Deuxièmement, ce que l'on retient du hadith, l'imam Ahmed ainsi qu'Abu Thawr sont de l'avis que celui qui accomplit la prière surérogatoire en voyage sur sa monture doit commencer la prière en se dirigeant vers la Qibla. Exemple ou preuve, le hadith de Anas qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait accomplir des prières surérogatoires en voyage, il se dirigeait vers la Qibla sur istaqbala binaqatihi al-Qibla. Il se dirigeait vers la Qibla, lui et sa monture. Puis, il priait, quelle que soit la direction dans laquelle se dirigeait sa chamelle. Et Cheikh Al-Bassam dit « Wa zahiru al-hadith al-umum » Et le hadith, ce hadith-là que l'on étudie, le hadith d'Abdullah ibn Omar, prouve que cela est général. À savoir que même si tu ne le fais pas au début de la prière, que cela est valide. Mais le mieux est de faire comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thalithan, عدم جواز الفريضة على الراحلة بلا ضرورة. قال العلماء لئلا يفوته الاستقبال فإنه يفوته ذلك وهو راكب أما عند الضرورة من خوف أو سيل فيصح كما صحت به الأحاديث. Troisièmement, qu'il est interdit d'accomplir une prière obligatoire sur une monture sans cas de force majeure. Et les savants ont dit, et ceci, afin qu'il ne soit pas dirigé vers autre que la Qibla. Et le fait de prier sur une monture, eh bien, il y a de grands risques que, le fait de prier une prière obligatoire sur une monture, il y a de grands risques que cette monture ne se dirige pas vers la Qibla. Quant au cas de force majeure comme la peur ou les fortes pluies, les inondations, etc., alors cela est autorisé comme stipulé dans certains hadiths. Rabi'an, inna al-ima'a huna yakumu maqama al-ruku'i wa al-sujud. Quatrièmement, que le fait de baisser la tête à ce moment-là, c'est-à-dire lorsque tu accomplis une prière surérogatoire sur une monture, alors le fait de baisser ta tête en signe de ruku' et de sujud viennent remplacer le ruku' et le sujud que tu fais habituellement dans ta prière. Khamisan, inna qiblat al-mutanaffil 'ala ar-rahilati hiya al-wijhatu allati huwa muttajihun ilayha. Cinquièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est la qibla, c'est que la qibla de celui qui prie une prière surérogatoire sur une monture, eh bien sa qibla, c'est la direction dans laquelle se dirige sa monture. Donc là, c'est une souplesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sadisan, inna al-witra laysa biwajib, haythu sallahu alayhi salatu wassalam ala rahila. Sixièmement, le witr, la prière du witr, n'est pas obligatoire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié sur une monture. Et ce hadith est une preuve des savants qui considèrent que le witr est fortement recommandé, mais qu'il n'est pas obligatoire. Leur preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié sur ar-rahila, sur la monture. Sabi'an, innahu kullama ihtija ila shay'in dakhalahu at-taysiru wat-tashil wa hadha min ba'd al-taf Allah al-mutawaliyah 'ala 'ibadihi. Septièmement, on retient du hadith qu'à chaque fois que l'on a besoin d'une chose, eh bien tu trouves que cette chose, la facilité y entre. Et ceci fait partie de certains dons et d'une certaine douceur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Thaminan, samahatu hadihi shari'a wa targhibu al-ibad fi al-izdiyad min at-ta'at bi tashil subulha falillahi al-hamd wal minnah. Huitièmement, que cette législation musulmane est noble et qu'elle pousse et qu'elle encourage les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala à faire plus de bonnes œuvres et à faire plus d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci en facilitant les chemins qui y amènent. À Allah appartient donc la louange et les bienfaits. Donc ici Allah Azza wa Jal nous a facilité le fait de prier une prière surérogatoire sur une monture. Et le voyageur qui voyage sur une monture, la plupart du temps il est sur cette monture. Donc le fait qu'il lui est autorisé de prier une prière surérogatoire sur cette monture va l'encourager à prier plus. Va l'encourager à prier plus, et ceci fait partie des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tasi'an, ذكر الصنعاني أن ألفاظ هذا الحديث مجموعة من عدة روايات في البخاري ومسلم وأنه ليس في الصحيحين رواية هكذا لفظها. الإمام الصنعاني رحمه الله a dit, en parlant des termes du hadith, que les termes de ce hadith ont été réunis de par plusieurs versions de Bukhari et de Muslim, mais qu'il n'y a pas des termes qui sont présents à la fois dans Bukhari et dans Muslim concernant ce hadith. Ashiran, la yustadalu bihada al-hadith ala anna al-khafda fi al-sujud akthar min al-ruku'a. وإنما ذلك في حديث جابر حيث يقول جئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع وقد أخرجه الترمذي وأبو داود. Deuxièmement, on ne doit pas prendre ce hadith comme une preuve sur le fait que lorsque l'on baisse la tête au moment du rukou' et du sujoud, que l'on doit baisser plus au moment du sujoud qu'au moment du rukou'. On ne doit pas prendre ce hadith comme preuve pour cela. Mais la preuve est un autre hadith, le hadith de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, rapporté par At-Tirmidhi et Abu Daoud dans leur Sunan, et c'est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans lequel Jabir radiyallahu anhu dit: je suis venu alors qu'il priait sur sa monture en direction de l'Orient, et sa prosternation était plus basse que son inclinaison. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait sur sa monture, il baissait sa tête, mais il la baissait plus lorsqu'il faisait le sujoud que lorsqu'il faisait le rukou', et ceci pour garder l'aspect de la prière, entre autres que le rukou', que le sujoud est une posture qui est plus basse que le rukou'. Ihda asha dhahaba jumhur al-ulama إلى جواز ترك الاستقبال في السفر الطويل والقصير إلا مالكا فقد خصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة ولم يوافقه أحد على ذلك. Onzièmement, la plupart des savants considèrent qu'il est autorisé de délaisser le fait de se diriger vers la Qibla dans un voyage, qu'il soit long ou court, sauf Malik, rahimahullah, lui-même Malik, qui lui autorise cela uniquement dans les longs voyages, le voyage qui autorise la personne à raccourcir ses prières. وَلَمْ يُوَافِقْهُ أَحَدٌ عَلَى ذَلِكَ. Et c'est le seul, rahimahullah, à avoir cet avis. Qu'est-ce qu'on retient du fait qu'il parle de voyage long et voyage court? Qu'est-ce que le voyage long? C'est le voyage qui t'autorise à raccourcir. Et le voyage court, ça peut être un déplacement. Ça peut être un déplacement. Et à la kulihal, ça c'est concernant le fait de se diriger vers la qibla, de ne pas se diriger vers la qibla. Mais le fait de prier assis, par exemple, lorsque tu es chez toi, est-ce que tu as le droit de prier assis une prière surérogatoire, alors que tu es en bonne santé et que tu es la vingtaine? Hein? C'est autorisé, mais tu as la récompense divisée par deux. On parle de nafila. On parle de nafila, bien sûr, de la prière surérogatoire. Il est autorisé de l'accomplir assis, même quand tu es en bonne santé, que tu n'as pas de raison qui le justifierait, mais cela te coûtera la moitié de la récompense que si tu l'avais prié debout. Ceci pour celui qui a la possibilité. Quant à celui qui n'a pas la possibilité, alors la récompense reste la même. طيب الحديث السادس والستون, le 66e hadith. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها, وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة, رواه البخاري ومسلم. Le 66e hadith, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit: alors que les gens étaient à la mosquée de Quba pour prier la prière de Subh, lorsqu'une personne est venue et a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu sur lui cette nuit le Coran ou une partie du Coran, et il a été ordonné, il lui a été ordonné de se diriger vers la Qibla. Fastaqbiluha, dirigez-vous donc vers celle-ci. Il leur a dit cela alors qu'ils étaient, ils étaient en prière, la prière de Subh. Wa kanat wujuhuhum ila Sham, et leur visage était dirigé vers le Sham, autrement dit vers le nord. Vu qu'ils étaient à Quba, ils étaient donc à Médine. Et le Sham se trouve au nord de Médine. Fastadaru ila al-Ka'ba, et ils se sont retournés vers la Ka'ba. Ils se sont retournés vers la Ka'ba, autrement dit, ils ont fait 180 degrés. Ils se sont retournés à la direction opposée, à savoir vers le sud, car la Mecque se trouve au sud de Médine. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. المعنى الإجمالي تقدم أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفيها كثير من اليهود اقتضت الحكمة الرشيدة أن تكون قبلة النبي والمسلمين قبلة الأنبياء السابقين بيت المقدس فصلوا إلى تلك القبلة 16 شهرا أو 17 شهرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق إلى صرفه إلى استقبال الكعبة المشرفة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فخرج أحد الصحابة إلى مسجد قباء بظاهر المدينة فوجد أهله لم يبلغهم نسخ القبلة ويصلون إلى القبلة الأولى فأخبرهم بصرف القبلة إلى الكعبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل إليه قرآن في ذلك يشير إلى الآية السابقة وأنه صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة في الصلاة فمن فقههم وسرعة فهمهم وصحته استداروا عن جهة بيت المقدس قبلتهم الأولى إلى قبلتهم الثانية الكعبة المشرفة. Le sens général du hadith. On a cité précédemment que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré de la Mecque vers Médine et qu'à Médine il y avait beaucoup de juifs, eh bien la sagesse a voulu que le prophète, que la qibla du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans à Médine soit la qibla des prophètes qui lui ont précédé, à savoir Jérusalem. Ils ont alors prié en direction de cette Qibla, à savoir Jérusalem, 16 mois ou 17 mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam désirait et avait envie que cette Qibla soit détournée vers la Kaaba bénie. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah: قد نرى تقلب وجهك في السماء. Nous voyons ton visage tourné vers le ciel. Et les savants, entre autres, ont déduit de ce verset une preuve qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus des cieux. Car le Prophète صلى الله عليه وسلم regardait le ciel. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Nous allons te détourner, te diriger vers une qibla que tu aimes. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Tourne ton visage en direction de la mosquée sacrée. Autrement dit, la Mecque. فَخَرَجَ, et un des compagnons est sorti et s'est dirigé vers la mosquée de Quba à Médine. Il a trouvé les gens, l'information ne leur est pas parvenue, à savoir que la direction dans laquelle il fallait se diriger pendant la prière a été changée. Et il les a vus en train de prier vers la première Qibla qui est Jérusalem. Il les a alors informés que la Qibla a été changée vers la Kaaba et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les versets du Coran sont descendus sur lui cette nuit. Et il parlait du verset que l'on a cité précédemment. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers la Kaaba pendant la prière. Et, min fiqhihim, de par leur compréhension saine de la religion. et du fait qu'ils ont compris rapidement, ils se sont retournés de la direction de Jérusalem, qui était leur première qibla, vers la seconde qibla, qui est la Kaaba al-Musharrafa. Et dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim, ceci a eu lieu dans quelle mosquée ? La mosquée de Quba. Et beaucoup pensent que ceci a eu lieu dans quelle mosquée ? La mosquée de Qiblatayn. Et on a vu que le hadith, on l'a dit précédemment, que le hadith qui parle de Masjid al-Qiblatayn est un hadith faible. Et que cela n'a pas eu lieu dans le Masjid al-Qiblatayn, mais dans la mosquée de Quba. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, le fait d'aller visiter la mosquée de Qiblatayn, et plus encore de nommer cette mosquée la mosquée de Qiblatayn, car pourquoi ils ont nommé cette mosquée de Qiblatayn? Car c'est une mosquée dans laquelle, en une prière, les gens avaient prié vers deux directions, à savoir Jérusalem et la Mecque. Donc, même ce nom est à revoir, et le fait de visiter cette mosquée aussi n'est pas légiféré. Et cela fait partie des innovations qu'ont innovées les musulmans. Ainsi, la seule mosquée les deux mosquées qui sont légiférées de visiter à Médine, la première c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la seconde c'est la mosquée de Quba, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait ses ablutions chez lui, puis il se dirige à Quba pour y prier deux unités de prière, il aura la récompense d'une Umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait souvent prier à Quba le samedi. De temps en temps il y allait sallallahu alayhi wa sallam à pied, et de temps en temps il y allait en monture sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et la mosquée de Quba, c'est la première mosquée construite en islam. Hamukallah. Ahkam al-hadith. Awalan al-qiblatu awal al-hijra kanat ila bayt al-maqdis thumma surifat ila al-ka'ba. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, c'est que la qibla au début de la hijra était vers la mosquée de Jérusalem, puis elle a été détournée vers la Kaaba à la Mecque. Deuxièmement, ثانياً, إن قبلة المسلمين استقرت على الكعبة المشرفة فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها استقبال عينها في عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند البعد عنها. Deuxièmement, que la qibla des musulmans est la Kaaba. Et ceci est resté et restera jusqu'au jour du jugement. Il est obligatoire pour celui qui voit la Kaaba de se diriger vers elle, obligatoirement. Et pour celui qui est éloigné d'elle, de se diriger alors vers sa direction, vers la direction de la Kaaba. Pour cela que le professeur sallam a dit dans le hadith, « Ma bayna al-mashriqi wal-maghribi qibla » Entre l'Est et l'Ouest, il y a la qibla. Thalithan. Et ce hadith-là s'applique pour ceux qui sont loin de la Mecque, loin de la Kaaba. Quant à celui qui prie devant la Kaaba et qui ne se dirige pas pile poil devant elle, sa prière est nulle. ثالثاً إن أفضل البقاع هو بيت الله لأن القبلة أقرت عليه ولا يقر هذا النبي العظيم وهذه الأمة المختارة إلا على أفضل الأشياء. Troisièmement, la meilleure des terres ou le meilleur des endroits est la maison d'Allah, à savoir la Kaaba, car la qibla est restée ainsi. Et une chose ne peut être donnée de façon permanente au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à sa communauté qu'en étant la meilleure des choses. Rabi'an, jawazun nasri fi shari'a khilafan lil yahoud wa man shaya'ahum min munkir an-nasr. Quatrièmement, l'autorisation ou qu'il est autorisé en islam que l'abrogation est autorisée en islam. Et ceci contrairement au peuple juif et ceux qui les ont suivis parmi ceux qui contredisent et qui renient l'abrogation. Donc en islam, il y a des choses qui abrogent d'autres. Et ceci est une preuve que la première Qibla de Jérusalem a été abrogée vers la deuxième Qibla et celle qui restera jusqu'à la fin des temps vers Al-Ka'ba Al-Musharrafa. Khamisan, inna man istaqbala إن من استقبل جهة في الصلاة ثم تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار ولم يقطعها وما مضى من صلاته صحيح. Cinquièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est que celui qui se dirige vers une direction pendant la prière, puis pendant celle-ci, il se rend compte de son erreur. Alors, il doit se diriger vers la bonne direction sans interrompre sa prière. Et ce qu'il a accompli en étant dirigé vers la mauvaise direction, est-il valide ou pas ? Oui, c'est valide. وَمَمَا دَمِنْ صَلَاتِهِ صَحِيحِ. Et ce qu'il a accompli auparavant de sa prière est valide. سَدِسًا إِنَّ الْحُكْمَ لَا يَلْزَمُ الْمُكَلَّفِ إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِهِ فإن القبلة حولت فبعد التحويل وقبل أن يبلغ أهل قبى الخبر صلوا إلى بيت المقدس فلم يعيدوا صلاتهم. Sixièmement, que le jugement n'est obligatoire, qu'un jugement n'est obligatoire pour celui qui a rempli les conditions qu'après que ce jugement lui parvienne. Quelle est la preuve ? C'est que la Qibla a été changée. Alors qu'elle a été changée, cette information n'est pas parvenue aux gens de Quba. Ils ont continué à prier en direction de Bayt al-Maqdis et n'ont pas recommencé leur prière. Cela prouve que de se diriger vers la Kaaba était obligatoire pour eux à partir du moment où ils en ont pris connaissance. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dès qu'ils en ont pris connaissance, ils n'ont pas attendu de finir leur prière, mais ils se sont dirigés vers la bonne direction pendant celle-ci. سابعاً إن خبر الواحد ثقة إذا حفت به قرائن القبول يصدق ويعمل به وإن أبطل ما هو متقرر بطريق العلم. Septièmement, que l'information d'une seule personne digne de confiance, lorsqu'elle est accompagnée de situations qui la rendent acceptable, elle doit être considérée vraie. Cette information doit être considérée vraie et elle doit être mise en pratique, même si elle vient abolir une chose qui était instaurée par la science. Autrement dit, combien de compagnons sont venus à la mosquée de Quba pour informer les gens de Quba ? Une seule personne, qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc digne de confiance. Et il est venu en apportant des choses qui viennent soutenir et qui viennent aider à l'acceptation de sa parole en disant que une révélation a été descendue au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette nuit et que la Qibla a été changée. Et bien ceci a suffi aux compagnons pour qu'ils considèrent vrai ce qu'il a dit, d'une part, d'autre part qu'ils aient mis en pratique ce qu'il leur a demandé de faire, et troisièmement, même si cela abolit quelque chose qui était installé, mais de façon sûre, à savoir de prier vers la mosquée de Jérusalem. Car le professeur Hassam l'a fait, et le professeur Hassam ne l'a pas fait une fois, deux fois, trois fois, il l'a fait pendant 16 mois, sallallahu alayhi wa sallam. Thaminan, wa fihi anna al-amala walau kathiran fi s-salah, idha kana li maslahatiha mashru'a. Huitièmement, il y a la preuve que les actes, même s'ils sont en grande quantité pendant la prière, lorsqu'ils sont faits pour le bien de celle-ci, cela est légiféré. Lorsqu'ils se sont retournés, est-ce qu'ils se sont décalés de quelques degrés? Non, ils ont fait carrément demi-tour. Ils se sont dirigés vers la direction opposée de celle vers laquelle ils priaient. Et ceci demande un certain nombre de mouvements, que ce soit pour l'imam ou que ce soit pour le ma'moum. Car en se retournant, l'imam se retrouve où? Se retrouve derrière. Donc il faut qu'il passe devant. Ceux qui sont devant, il faut qu'ils passent derrière. Donc tout ceci, ce sont des mouvements, ce sont des mouvements qui ne sont pas moindres, qui sont importants, mais cela est autorisé car c'est pour le bien de la prière. Tasi'an, wa fihi dalilun ala qabul khabar al-hatifi wal-lasilki fi dukhul shahr ramadan aw khurujih wa ghayr dhalika min al-akhbar al-mut'alliqah bil ahkam ash-shar'iyyah li'annahu wa in kana نقل الخبر من فرد إلى فرد إلا أنه قد حف به من قراء الصدق ما يجعل النفس تطمئن ولا ترتاب في صدق الخبر والتجربة المتكررة أيدت ذلك. Neuvièmement, qu'il y a ici une preuve qu'il est autorisé d'accepter les informations transmises par téléphone ou par des moyens sans fil. Ceci dans l'annonce du mois du Ramadan ou de sa sortie. Ou dans toutes les autres informations qui sont utiles dans les jugements de l'islam. Et ceci car même s'il y a une transmission de données ou d'informations d'une personne à une autre, ceci est entouré de causes, de situations qui permettent de considérer vrai cette information et que l'âme y soit, et que la personne soit apaisée à cela, et que la véracité de l'information ne peut être remise en cause. Et de plus, cela a été mis en pratique à plusieurs reprises, et ceci vient appuyer cela. Le fait que c'est quelque chose qui se fait souvent à notre époque et qu'il n'y a pas eu de problème particulier, cela vient attester cette autorisation. Ashiran, qala al-Tahawi, fi al-hadith dalilun. على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه انتهى. وزاد الأصوليون أن الفهم شرط التكليف. وعن ابن تيمية في مثل هذا قولان أحدهما موافق لما ذكر. الإمام الطحاوي رحمه الله dit dans ce hadith il y a une preuve que celui qui n'a pas la connaissance d'une obligation d'Allah Azzawajal et que la da'wah ne lui est pas parvenue, que cette obligation n'est pas obligatoire pour lui et que al-hujja ghayru qa'imatin alayh et que aucune preuve ne lui a été démontrée. Et ça, c'est une règle générale en islam, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous ne châtirons pas que tant que l'on n'aura pas envoyé un messager. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. On اكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نعم أخي. Yeah.